Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Manet, le secret, c'est le titre du roman biographique de Sophie Chauveau aux éditions Télémaque. Franck Ferrand nous parle donc aujourd'hui de Manet. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. On peut dire que Manet a beaucoup inspiré Sophie Chauveau, il est vrai qu'il y a de quoi. Grâce à Serge Legas qui est venu avec des anecdotes plein sa besace, vous allez voir à quel point ce grand peintre peut encore nous surprendre. Et puis tout à l'heure, à la fin de l'émission, je répondrai à la question de Florian sur les origines de la boussole. J'allais dire qu'il ne perd pas le nord, Florian. Pour le moment, je vous propose de nous glisser à l'intérieur d'une des toiles les plus célèbres, une des toiles les plus fascinantes du musée d'Orsay, le déjeuner sur l'herbe. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. En ce 15 mai 1863, il y a foule devant les portes du Palais de l'Industrie. Le Palais de l'Industrie, c'est cette espèce de gigantesque bâtiment qui a été construit par Napoléon III en plein cœur de Paris, à peu près à l'endroit où se trouve aujourd'hui le Grand Palais, tout simplement, et qui avait été bâti pour l'exposition universelle de 1855. Et chaque année, dans une partie, évidemment, de ce gigantesque entrepôt, si je puis dire, a lieu le fameux salon qui autrefois se tenait au Louvre, le salon qui regroupe évidemment les artistes du moment et qui sont là pour présenter leurs œuvres de l'année. Évidemment, c'est une sorte de compétition, d'émulation entre les artistes du moment. Et comme chaque année, l'Académie a été très stricte sur la sélection des œuvres exposées. On lui a présenté 5000 tableaux au départ et elle n'en a retenu que 2000. Alors vous allez me dire, quoi faire des 3000 autres? Eh bien, pour la première fois en cette année 1863, les autorités ont accepté que se tienne en marge du salon officiel, ce qu'on va appeler le salon des refusés. C'est pas tout à fait le titre officiel, mais c'est comme ça que la presse, notamment, va le nommer. Napoléon III s'est montré bon prince, si je puis dire, dans cette affaire. Et le 24 janvier 1863, on a vu paraître au moniteur officiel une annonce qui, pour tout vous dire, était une annonce vraiment très discrète, disant qu'on allait accepter ce salon, donc, des refusés. Il faut quand même payer un franc. Un franc, à l'époque, c'est une assez grosse somme, hein, ça n'est pas une obole. Il faut payer un franc pour entrer visiter dans 12 salles les 1200 œuvres de ce nouveau salon, d'une certaine manière. Et parmi ces œuvres, alors il y en a une qui d'emblée va faire, j'allais dire, va faire scandale, c'est pas tout à fait le terme. En tout cas, elle va retenir l'attention de tous. C'est une huile sur toile qui fait un peu plus de 2 mètres de haut sur 2,64 mètres de large. C'est une grande toile, donc, un peu dans la tradition. Mais alors, là, la tradition a été complètement pervertie, vous allez le voir. Ça s'appelle Le Bain. C'est signé d'un jeune peintre qui a 31 ans. Édouard Manet, et ça va entrer dans l'histoire sous le nom de déjeuner sur l'herbe. Alors ce déjeuner sur l'herbe, vous connaissez évidemment à peu près à quoi il ressemble, hein, cette espèce de grande verdure avec au fond, on voit l'eau bien entendu, la baigneuse, et puis au premier plan, deux jeunes gens qui sont en train de pique-niquer tout simplement, hein. D'ailleurs le panier est renversé, on verra ce que ça veut dire dans un instant, et à côté d'eux, eux ils sont totalement habillés, cravatés, boutons de guêtre, etc. Mais à côté d'eux, il y a toute nue, une jeune femme qui, bien sûr, va beaucoup faire parler d'elle. Parce que l'importance de la toile et ce qui va marquer le public, c'est le contraste, évidemment, entre ces jeunes gens habillés et cette jeune fille nue. À l'époque, disons-le, Manet est encore plutôt dans les débuts de sa carrière. Alors vous allez me dire, il a quand même 31 ans, oui. Mais il est venu à la peinture très tard, beaucoup plus tard en tout cas que la plupart des peintres. Il faut vous dire qu'il est, c'est un grand bourgeois Manet, il est issu d'une excellente famille, du côté de son père on est dans la magistrature, du côté de sa mère dans la diplomatie, nous allons voir tout ça avec Serge Legas dans un instant. Et il a mis du temps avant de se choisir une véritable carrière. En fait c'est une vocation pour lui, il a été appelé littéralement, je pourrais presque même employer le terme de happé par l'art. C'est un dandy en même temps. Vous savez, on est à l'époque de Charles Baudelaire. On est à l'époque de ces dandys intellectuels, si j'ose un anachronisme. On ne parle pas encore tout à fait d'intellectuel à l'époque. Bref, Manet est ce jeune gandin, comme on disait, qui, par ailleurs, ne déteste pas se fondre dans le Paris populaire et aller s'encanailler dans les bals, vivre les plaisirs simples d'une capitale qui est en même temps, à l'époque, ne l'oubliez jamais, une capitale encore ouvrière, bien entendu. Et il aime bien ça, Manet. Il aime se colter, en quelque sorte, à ce milieu tellement différent de son milieu d'origine. Alors, quand je vous dis qu'il est venu tard à l'art et à la peinture, il faut quand même dire qu'il a été formé. Hein. Il est entré dans l'atelier du peintre Thomas Couture. Excellent peintre, Thomas Couture, mais alors vraiment ce qu'on appelle le peintre académique. Hein, vraiment très, très comme il faut. Il y a été jeune quand même. Il avait 24 ou 25 ans. On est encore à l'époque où l'on peut encore apprendre d'une certaine manière. Et puis, il a surtout appris à la grande école, à l'école des maîtres. Vous savez d'ailleurs, ceux qui, dans l'art, et notamment dans l'école française, vont à chaque fois révolutionner la peinture, sont ceux qui, justement, se sont mis à l'école moins de maîtres vivants que de maîtres morts et dont les œuvres sont exposées sur les cimaises du Louvre. Raphaël, Véronèse, Titien, bien entendu, vont profondément marquer de leur empreinte cette jeune patte de Manet, qui, par ailleurs, ne déteste pas un certain nombre de ses contemporains. Je pense à Gustave Courbet, qui va l'inspirer beaucoup. Et puis, surtout, ce qui va l'inspirer, c'est le goût, c'est le souffle, c'est l'esprit de l'Espagne. N'oubliez pas Mérimée, on est dans c'est le théâtre de Clara Gazul, c'est ce goût pour l'Espagne, hein, c'est Carmen, c'est tout ça, Carmen de Bizet, exactement à la même époque. Et la peinture espagnole, Velázquez, Zurbarán, Goya, tout ça va influencer Manet, bien entendu. Dans quelle proportion? C'est la question que je poserai à notre invité tout à l'heure. Gilles Néret, dans sa biographie de Manet, parle d'un loup dans la bergerie espagnole. Alors là, il faudra qu'il m'explique, parce que si Zurbarán et Velázquez sont des agneaux, alors moi, je ne sais pas ce que je suis. On peut dire que depuis 1860, Manet a quand même beaucoup peint. En une année, il produit autant de tableaux qu'au cours des 5 années précédentes. Et ses compositions sont très inspirées, justement, de Goya, de Velázquez, etc. Et déjà, il peint des nus. C'est important parce que, d'abord, il y a deux raisons pour lesquelles peindre un nu est essentiel. D'abord, parce que c'est ce qui est le plus difficile, évidemment. C'est le canon suprême de la peinture. Et puis, bien entendu, c'est ce qui attire toujours le plus le regard du public. Et donc, peindre un nu, pour un peintre, c'est s'exposer. De la mer de Claude Debussy par l'Orchestre Philharmonique de Berlin, dirigé par Herbert von Karajan. Revenons avec vous, Franck Ferrand, à l'histoire du déjeuner sur l'herbe de Manet. En 1860, Manet a réalisé La Nymphe Surprise, c'est son premier nu connu, et le modèle était déjà dans un bois, comme dans le futur déjeuner sur l'herbe. Dans cette œuvre, on peut dire vraiment que l'influence de la Renaissance de Titien, notamment de Giorgione, de Véronèse, est vraiment très, très forte, très présente encore. À l'époque, je vous le disais, peindre un nu permet de démontrer non seulement son talent, mais sa personnalité d'artiste, puisque rien n'est plus difficile, évidemment, que de représenter non seulement l'anatomie, ça, à la limite, ça fait presque partie de ce qu'on apprend, c'est l'origine, mais surtout la carnation. Il faut que cette chair-là, elle vive, elle palpite, qu'on la sente vivre. Et d'ailleurs, ce sera sans doute un des principaux reproches qui seront adressés à Manet, c'est que bien souvent, ces chairs ne vivent pas vraiment. On a un peu l'impression qu'elles sont mortes. On en reparlera, ça, tout à l'heure. pour qu'un nu soit présentable au public des habitués du salon, nous dit Beth Archer-Brombert. On le désexualise en lui donnant les contours idéalisés d'une sculpture antique et l'identité reconnaissable d'un personnage mythologique ou biblique. Ça, c'est fondamental. C'est toujours beaucoup plus facile de peindre une Andromède au rocher ou de peindre un Saint-Sébastien que d'aller peindre quelqu'un d'anonyme tout nu, vous imaginez bien. Il faut toujours s'abriter derrière soit la religion, soit la mythologie, etc., etc. En 1861, Manet a décidé, lui, de se libérer, en quelque sorte, de cette contrainte. Alors, il avait déjà exposé au salon. Il a exposé le chanteur espagnol, qui s'est fait beaucoup remarquer par la critique, en bien notamment. Théophile Gautier dit « Il y a beaucoup de talent dans cette figure de grandeur naturelle, peinte en pleine pâte, d'une brosse vaillante et d'une couleur très vraie. » Pour autant, d'autres vont tomber sur Manet à bras raccourcis. En 1862, sa toile « La musique aux Tuileries », alors là, où il va représenter son frère Eugène, des peintres comme Fantin Latour, des écrivains comme Gautier, justement, Baudelaire, dont je parlais, Chantefleury, etc. Cette toile, il y a Offenbach aussi, cette toile reçoit un accueil absolument glacial. L'œuvre était exposée avec 13 autres tableaux dans une galerie du boulevard des Italiens. Et voilà ce qu'un critique dans le journal La Presse, c'est Saint-Victor, hein, voilà ce qu'il écrit le 27 avril 63. « Ces tableaux de l'exposition au boulevard des Italiens sont des charivaris de palette. » Jamais on n'a fait plus effroyablement grimacer les lignes et hurler les tons. Ces toreros feraient peur aux vaches espagnoles. Ces contrebandiers n'auraient qu'à se montrer pour mettre en fuite les douaniers les plus intrépides. Vous voyez que la critique à l'époque avait la dent dure. On adorerait qu'aujourd'hui les critiques se permettent d'être encore... C'était les Éric Nolot de l'époque, mais qui étaient encore bien plus mordants, évidemment. Et on menace même de lacérer la toile si elle n'est pas retirée. Donc vous voyez qu'au moment où il expose au Salon des Refusés ce qu'on va appeler son déjeuner sur l'herbe, Manet est déjà connu et même assez célèbre et que c'est une célébrité largement sulfureuse. Alors, qu'est-ce que c'est que ce tableau ? Il faut vous dire que Manet s'est inspiré d'un certain nombre de maîtres, je vous l'ai dit, mais aussi et principalement d'une gravure du XVIe siècle, une gravure de Marc-Antoine Raimondi, réalisée d'après le jugement de Paris de Raphaël. Le peintre veut donner également sa version moderne, si je puis dire, de l'œuvre de Titien, très célèbre par ailleurs, le concert champêtre. Mais alors, le concert champêtre était très comme il faut, même d'ailleurs pour son temps de la Renaissance. Là, on est dans quelque chose d'infiniment plus choquant. Manet réalise une œuvre moderne. D'abord, les promenades en barque, les pique-niques, etc., c'est pas un motif historique, hein. On est vraiment dans une inspiration tout à fait moderne, même si c'est à la mode à l'époque chez les peintres. La véritable modernité, c'est donc la représentation de cette femme nue au premier plan qui se tourne vers le spectateur, qui sourit un peu en demi-teinte, comme ça. Elle est accompagnée donc de ces deux jeunes gens habillés à ses côtés. Fini les nus académiques, parfaits comme des statues. Là, nous avons une femme ordinaire qui a retiré ses vêtements. C'est vraiment ça. Et qui se trouve dans un environnement d'autant plus troublant pour le spectateur qu'il est parfaitement classique, normal, ordinaire. Manet savait qu'il allait créer le scandale. Il paraît qu'il faut que je fasse un nu, écrit-il. Eh bien, je vais leur en faire un dans la transparence de l'atmosphère avec des personnes comme celles que nous voyons à Argenteuil. Oh, on va m'éreinter, on dira ce qu'on voudra. Il y a cette force extraordinaire chez Manet, bien entendu. Stéphane Guégan nous dit « Symbole du nouvel art naissant, cette Vénus-là nous parle de la puissance d'Eros et de la métaphysique du choix. Aphrodite, née des flots amers, pose le pied sur les rivages de Gennevilliers. » Aphrodite à Gennevilliers, ça aurait d'ailleurs été un titre entre parenthèses bien plus réussi que le déjeuner sur l'herbe, à mon avis. Elle est la compagne de mortels ordinaires, nous dit Ben Archer-Brombert, les deux étudiants en droit et en beaux-arts. Elle est la Vénus moderne du Paris moderne, capitale du monde moderne, la grisette, la figure populaire de l'époque avec laquelle ils partagent leurs amours, leurs aspirations et, souvent, leur travail. D'ailleurs, certains signes peuvent faire penser à la représentation d'une courtisane. Il faut dire que le modèle a déjà servi pour représenter un nu. Il s'agit de Victorine Meurant, une jeune femme de 18 ans, quand je dis jeune femme, toute jeune femme donc, issue d'un milieu populaire et que Manet a rencontré quelques mois plus tôt, en 62, sans doute dans un bal. Victorine Meurant va poser pour Manet pendant 13 ans. Elle sera évidemment sa maîtresse. Et puis, il y a certains symboles qui évoquent une sorte de tradition de la peinture érotique, bien entendu. Il y a les huîtres, évidemment, hein, comme dans tous les tableaux érotiques du 17 et 18e siècle. Il y a ce panier renversé, un symbole de la perte de l'innocence, si vous voulez. D'ailleurs, Manet lui-même parlait, à propos du tableau, il parlait de la partie carrée. Donc tout est dit, hein, quand même. Et puis, il y a cette synthèse de plusieurs motifs à la fois. Il y a le nu, les figures classiques, le portrait, la nature morte, le paysage, l'allégorie, la vie moderne. Comme on dirait, nous, aujourd'hui, cette peinture est un grand gifoutou. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Retour avec vous, Franck Ferrand, à l'histoire du déjeuner sur l'herbe, la plus grande toile d'Édouard Manet. Inutile de vous dire que le déjeuner sur l'herbe fait d'emblée scandale. Il y a une critique dans le Figaro qui est signée Charles Moncelet, extrêmement bien écrite d'ailleurs, et qui résume les griefs qui vont s'abattre sur le pauvre Manet. « Monsieur Manet est un élève de Goya et de Baudelaire », dit Moncelet avec beaucoup de justesse. « Il a déjà conquis la répulsion des bourgeois ». C'est vrai, c'est exactement ça. Je dois dire que le côté grotesque de son exposition tient à deux causes, dit Ernest Chesneau de son côté. D'abord, à une ignorance presque enfantine des premiers éléments du dessin. Et c'est vrai, on en parlera dans un instant avec Serge Legas, c'est vrai que chez Manet, il y a des maladresses, voulues ou non, mais qui sont assez stupéfiantes quand même, parfois. Ensuite, à un parti pris de vulgarité inconcevable. Monsieur Manet compromet l'originalité de sa tentative par une insuffisance de moyens d'exécution dont on ne peut se rendre compte qu'en présence de ces figures nues. Les figures de Monsieur Manet font involontairement songer aux marionnettes des Champs-Élysées, une tête solide et un vêtement tout flasque. C'est assez bien dit. Un ami de Monet, Théophile Thoré, va écrire lui-même « Je ne devine pas ce qui a pu faire choisir à un artiste aussi intelligent et distingué une composition si absurde. » C'est pour les gens de l'époque, il faut se remettre à... Nous, on est nés avec le déjeuner sur l'herbe, on l'a vu depuis qu'on est petit, il orne toutes les boîtes de chocolat. Mais dites-vous bien qu'à l'époque, c'est surprenant, c'est choquant, ça vient à rebrousse-poil de tout ce qu'on a pu faire jusqu'alors. Et puis le nu va focaliser les critiques, bien entendu. On reproche à Manet d'avoir donné plus de précision à la nature morte, qui est effectivement traitée avec un luxe de détails quasiment flamand, qu'au nu lui-même. Certains recherchent la beauté idéale, écrit Adrien Paul. Monsieur Manet cherche et trouve la laideur idéale. Ces deux étudiants bavardant avec la plus vulgaire des femmes ont provoqué l'étonnement de beaucoup de gens. Quant à l'artiste britannique Philip Hamerton, dans ses carnets, il visite lui aussi l'expo, le Salon des Refusés, il dit « Quelques misérables français, je vais prendre l'accent britannique, a traduit une fête champêtre dans les termes du réalisme français en de beaucoup plus grandes dimensions et avec l'horrible costume français moderne au lieu des gracieux vêtements vénitiens. Le nu, quand il est peint par des hommes vulgaires, est inévitablement indécent, dit-il. » Et voilà ce que nous dit Péloquet. On y chercherait vainement l'indication d'un mouvement. De quelque façon qu'il veuille indiquer une attitude ou un geste, le membre et le corps qu'il a essayé de peindre restent inertes comme empaillés. Ce ne sont pas ces adjectifs qui sont durs dans cette critique, c'est le terme qu'il a essayé de peindre, comme si en quelque sorte les critiques avaient vu l'intention de Manet, mais qu'ils devaient constater son incapacité à aller au bout de ses ambitions. Et il y a une caricature qui va paraître dans la presse de l'époque, ça c'est magnifique, on a retrouvé ça. On voit donc, c'est comme un inspecteur de police qui dit « Vous reconnaissez avoir commis ce tableau? Avez-vous des complices? Faites-vous partie de la bande à Manet ?» Au milieu de ce torrent de critiques, Manet reçoit quand même des éloges de son travail. Et parmi ceux qui vont lui rendre hommage figure le grand, l'immarcessible Zola. « Bon Dieu, quelle indécence, une femme sans le moindre voile, entre deux hommes habillés, comprend Émile Zola. » La foule a cru que l'artiste avait mis une intention indécente et tapageuse dans la disposition du sujet lorsqu'il a simplement cherché à obtenir des oppositions vives et des masses franches. Ce qu'il faut voir dans le tableau, ce n'est pas un déjeuner sur l'herbe, c'est le paysage entier avec ses vigueurs et ses finesses, ses premiers plans si larges et si solides et ses fonds d'une délicatesse si légère. C'est cette chair ferme modelée à grands pans de lumière mer, ce coin de la nature rendu avec une simplicité si juste. Et Karl Desnoyers, de son côté, écrit dans le petit journal « Monsieur Manet, j'en ai l'espoir, deviendra quelque jour un maître. Il possède la franchise, la conviction, la puissance, l'universalité, c'est-à-dire l'étoffe du grand art. Il voit clair dans la nature et il traduit simplement, lumineusement. Son grand tableau des baigneuses, placé sur le mur de fond d'une salle, fait aux yeux du spectateur l'effet d'une trouée sur la campagne. » Et Zacharie Astruc ajoute « Je ne dirai point qu'il est les triomphes de ce salon où tant de vaillants se rencontrent, me servant d'une expression que sa modestie désavouerait, mais il en est l'éclat, l'inspiration, la saveur puissante, il en est l'étonnement. » Voyez donc qu'il y a des gens qui sont tout à fait capables d'apprécier la nouveauté, révolutionnaire certes, mais somme toute parfaitement maîtrisée, de ce tableau qui va entrer de plein pied dans l'histoire de l'art et qui a réussi son coup, si je puis dire, puisque nous en parlons, comme vous pouvez le voir, un siècle et demi plus tard. Le journaliste Antonin Proust, d'emblée, va réunir toutes sortes d'amis, des gens de la bonne société parisienne. D'ailleurs, il invite surtout les condisciples de Manet à l'atelier de couture pour donner un grand dîner en son honneur, qu'on va appeler le dîner Manet, et puis un monsieur très comme il faut, le commandant Hippolyte Lejaune, et sa femme vont donner une réception à l'honneur de Manet, etc. Donc il est quand même soutenu d'une certaine manière. Dites-vous que la même année, car on est en 1863, Manet peint Olympia, un autre nu avec toujours le même modèle, hein, Victorine Meurant, un scandale de plus, on va parler de courtisane faisandée cette fois, mais c'est sans doute ces scandales successifs qui vont permettre au peintre de devenir une référence chez ses contemporains. Il sera bientôt le maître du groupe des Batignolles. Après tout, Baudelaire avait appelé Manet le peintre de la vie moderne. Bonjour Serge Lega. Beaucoup à dire sur ce tableau et bien sûr sur tous les autres. Nous y venons avec vous dans un instant. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, du peintre Édouard Manet, avec votre invité Serge Lega, conférencier des musées nationaux, professeur à l'Institut d'études supérieures des arts. Alors, faisons de nouveau ce chemin de 150 ans en arrière. Retrouvons-nous au Salon des Refusés de 1863, devant cette toile qui fait scandale, Serge Lega. Ah oui, c'est un choc. C'est l'un des deux scandales du Salon des Refusés. On oublie toujours qu'il y a également un tableau qui paraît beaucoup plus neutre en apparence. C'est le portrait de la femme en blanc par Whistler et qui est aussi un tableau qui est considéré comme tout à fait exceptionnel tableau, mais qui est considéré comme inacceptable aussi là sur un plan purement technique, puisque là il n'y a pas le problème de la décence et du nu dans le tableau de Whistler. Alors, ce Salon des Refusés montre quand même une inflexion dans la politique impériale de Napoléon III. On n'est pas loin de l'Empire libéral. Hein. C'est-à-dire que c'est une ouverture, c'est en quelque sorte. C'est très intelligent. Oui. Napoléon III a compris le rôle de l'art et comprend qu'au fond, accepter de présenter cette année-là tout ce que le jury, qui est objectivement un jury extrêmement sclérosé à ce moment-là, a refusé, c'est évidemment un moyen de montrer un libéralisme de l'Empire que souhaite évidemment l'Empereur. Je vais vous faire une confession, Serge. Quand je suis devant le Déjeuner sur l'herbe, moi je me sens complètement dédoublé d'une certaine manière. Il y a en moi un spectateur ébloui qui admire justement cette modernité, cette force, cette imposition d'un genre totalement nouveau, etc. On est là à la naissance de ce qu'on va bientôt appeler l'art moderne, tout simplement. Ça, je l'admire infiniment, bien sûr. Et puis en même temps, il y a sans doute le vieux con en moi qui dit « mais enfin, c'est mal peint ». C'est mal peint, le Déjeuner sur mer ? Je dirais, d'une certaine façon, que ça n'est pas le tableau le plus abouti de Manet. Voilà, merci. Donc, je suis assez d'accord. Je pense que le grand chef-d'œuvre de Manet dans les périodes de scandale, c'est l'Olympia, dont vous avez également parlé, dont on reparlera, je pense, puisqu'Olympia est vraiment un tableau qui est totalement maîtrisé. Il est certain que dans le Déjeuner sur l'herbe, il y a par exemple un problème qui reste un problème évident, c'est la mauvaise intégration des figures par rapport au paysage. On n'a pas du tout le sentiment que les figures sont dans la nature, on a l'impression qu'elles sont comme assises devant une toile peinte représentant un paysage. D'ailleurs, précision à mentionner, c'est que le tableau est totalement peint en atelier. Quand on dit de Manet père de l'impressionnisme, là on en est très très très très loin. Oui. Le tableau est peint totalement en atelier et absolument pas en plein air, le seront les tableaux impressionnistes. Bien sûr, d'ailleurs c'est intéressant cette espèce de paternité sur l'impressionnisme qui est très discutable. Manet aura quelques tendances à aller vers l'impressionnisme au contact de ses jeunes amis, Monet entre autres, Renoir ou Sisley, mais cela sera plus tard, dans les années 70, surtout après 74, et ce ne seront que quelques toiles où Manet se laissera aller, entre autres, à travailler en plein air. Alors on connaît des artistes qui sont venus tard à leur art, des danseurs notamment, qui deviennent danseurs à 14 ou 15 ans, alors que normalement on commence à 6 ans. C'est très jeune. Bon, et là c'est un peu le cas de Manet, c'est-à-dire qu'il vient tard à la peinture, il n'a pas fait son apprentissage, etc. Et là on peut penser que le milieu social dont vous parliez en introduction était très important. C'est vrai que Manet est un grand bourgeois et qu'a priori, dans le milieu de la grande bourgeoisie, un fils aîné en plus ne va pas vers le monde des arts. Donc c'est vrai qu'on envisage pour lui plusieurs carrières. Et la première carrière que sa famille envisage pour lui, c'est assez logique. Vous avez dit que son père est issu du monde de la haute magistrature. Eh bien, on envisage des études de droit. Ce que Manet refuse absolument. Ça, il ne veut absolument pas. Alors ça, je le comprends. J'ai fait des études de droit de mon côté. Je peux comprendre cette distance. En fait, vous vous identifiez à Manet, il faut peu, le dire. Un peu là-dessus, c'est le seul aspect d'ailleurs. Mais ensuite, ce qui va être beaucoup plus intéressant et qui explique ce décalage, c'est que Manet va s'orienter vers une autre carrière. Refusant le droit, il va s'orienter vers la marine et il va tenter par deux fois le concours d'entrée à l'école navale. Et ce seront d'ailleurs deux échecs successifs. Et ça, c'est vraiment d'une certaine façon la distance qui se met de la part de Manet par rapport à ce qui aurait été une carrière beaucoup plus envisageable par sa famille. Mais je tiens à préciser une chose qui est tout à fait admirable, c'est qu'après ces deux échecs, Manet annonce cette vocation artistique à ses parents, et là, vraiment grand, grand hommage aux parents de Manet. Dans ce milieu social, sa famille le soutiendra, et c'est tout à fait exceptionnel. C'est un milieu social passionnant d'ailleurs. Ah, tout à fait. Il y avait ce livre de Cantor qui s'appelait Belle Époque, où on a ces espèces de grands bourgeois très républicains qui vont créer la nouvelle France républicaine. Alors, de la fin du 19e siècle. Exactement. Là, on est tout à fait dans ce milieu-là. La famille de Manet est une famille très, très, très profondément républicaine. Manet, d'ailleurs, suivra parfaitement le chemin de ses parents, puisqu'il sera un opposant au Second Empire. Donc, chez Manet, il y aura lui aussi des positions très républicaines et pas du tout favorables au Second Empire. Alors, on dit que le grand-père de Molière l'avait traîné sur les tréteaux du Pont-Neuf et que c'est ce qui lui avait donné la passion du théâtre. On a là le tonton qui va emmener le petit Manet au Louvre. Voilà, c'est un oncle maternel. Alors, lui, c'est assez amusant, oncle monarchiste qui est capitaine, c'est le capitaine Édouard Fournier, puisque la mère de Manet était née Fournier, et donc c'est lui qui va entraîner Manet au Louvre. Et là, il y a une chose à préciser que l'on n'imagine plus de nos jours, c'est qu'à l'époque au Louvre, pendant la jeunesse de Manet, il y a la fameuse galerie espagnole de Louis-Philippe, cet extraordinaire Louis-Philippe était un immense collectionneur, et pendant son exil, il avait ramassé toutes sortes de tableaux. C'est hallucinant, il y avait au Louvre 300 chefs-d'œuvre de l'art espagnol qui allait de la peinture gothique à Goya, et donc Manet a très très jeune été au contact de cette peinture espagnole qui restera pour lui une référence totale et absolue bien avant qu'il ne se rende en Espagne, puisque Manet n'ira en Espagne pour la première fois qu'en 1865, donc après le déjeuner sur l'herbe seulement. Oui, mais l'Espagne flotte, si je puis dire, dans l'air. À l'époque, je parlais de Carmen, Les ballets espagnols. Les ballets espagnols sont à l'époque ce que seront à l'époque de Picasso les ballets russes. C'est la modernité. Faut peut-être pas oublier la nationalité de l'impératrice, tout simplement. En plus, bien évidemment. Évidemment, le fait que l'impératrice soit espagnole va mettre l'Espagne à la mode. L'Espagne est à la mode. Et alors en peinture, on parle bien évidemment de la galerie espagnole de Louis-Philippe qui disparaîtra au moment où le roi sera renversé, puisque la galerie quittera la France à ce moment-là. Mais on oublie qu'il y avait aussi des galeries espagnoles, évidemment plus minimes, dans des châteaux, par exemple dans la région parisienne. Il y avait une très belle galerie espagnole au château de Courson. Il reste d'ailleurs quelques tableaux. Hélas, la famille s'est séparée de plusieurs des tableaux de cette galerie espagnole, mais c'était une mode. D'avoir des galeries espagnoles était une mode à l'époque. Oui, vous faites bien de me recadrer, Serge. Quand je parlais de l'impératrice, c'est à l'époque du Salon des Refusés, pas à l'époque de la formation, évidemment, du jeune Manet qui, là, se trouve sous la monarchie de Juillet, bien entendu. Alors, justement, il va entrer dans l'atelier de Thomas Couture. Il faut rendre hommage et justice à Thomas Couture, oui, s'il vous plaît. D'abord, c'est un peintre que je trouve très intéressant. C'est un peintre, alors, académique, oui, pompier, sûrement pas. C'est un artiste qui est vraiment un peintre qui a une originalité foncière, et à une époque il était de bon ton de dire que Manet n'avait rien retiré de l'enseignement de Thomas Couture, ce qui est une stupidité totale. D'abord une chose, Manet reste 6 ans dans l'atelier de Thomas Couture, c'est donc une très solide formation, et Thomas Couture est un peintre qui techniquement parlant a une force et des audaces techniques que Manet reprendra dans certains de ses tableaux. La différence c'est que Thomas Couture est sur des grands thèmes historiques traditionnels, oui. Les Romains de la décadence, du musée d'Orsay. Alors il a une chose, oui, il fait des des vagues. Et ça, c'est assez amusant à remarquer. Thomas Couture a un côté névrotique, il est incapable de terminer ses tableaux. Ah, c'est oui. assez drôle de regarder. Souvent, il y a des détails. Par exemple, dans les Romains de la décadence, immense composition du musée d'Orsay, il y a un personnage dans l'une des extrémités du tableau qui a un pied qui n'est pas totalement peint. Et ça, c'est assez fréquent chez l'artiste. Il y a un problème névrotique par rapport à la finition d'une œuvre. J'ai parlé tout à l'heure des inspirations de Manet par rapport à la Renaissance, à la peinture espagnole, nous venons d'en dire un mot, etc. Quels sont ses maîtres, en quelque sorte? Il y a la Hollande aussi, il ne faut pas le négliger. Oui, tous. D'ailleurs, Manet fera très jeune un voyage en Hollande. En 1852, c'est son premier voyage en Hollande. Il est totalement fasciné par la grande peinture du siècle d'or. Frans Hals, Rembrandt, bien évidemment, sont des artistes qui comptent pour lui. Il regarde donc aussi bien les maîtres italiens, les grands maîtres de la Renaissance dont vous avez parlé, de Raphaël à Titien. Il regarde les Hollandais. Et puis, bien sûr, dans les contemporains, il y a l'hommage absolu à cet artiste qui, pour eux, représente la modernité, c'est Courbet. D'ailleurs, oui, il y aura même une sorte de petite rivalité entre Courbet et Manet. Il va y avoir une sorte de petit jeu entre le maître et celui qui s'en réclame. De temps en temps, Manet reprend des thèmes de tableaux que Courbet avait peints quelques années plus tôt. On parlait de la Hollande, sa femme était néerlandaise. Absolument. Alors sa femme, c'est un personnage très étonnant. Suzanne Lenoff, qui est effectivement d'origine hollandaise. Ils se rencontrent en 1849. Ils ne se marieront que l'année du Salon des Refusés. Ils se marient en 63. C'est peut-être un moyen, après le scandale du tableau, de rentrer dans une certaine norme. Le mariage a lieu. Et alors, ce qui reste absolument sidérant, c'est qu'on se pose toujours la question par rapport à l'enfant qu'ils auraient eu, le petit Léon, que Manet n'a jamais reconnu. L'enfant appelé Manet parrain. Ah oui. Donc ah il y avait bon. Aussi ah oui, et c'est une histoire absolument rocambolesque. Ça n'a pas l'air très net. Ah, c'est histoire. Pas très net. On n'a jamais très bien su si c'était le fils de Suzanne Lenoff, si c'était son jeune frère. Et c'est une sorte de construction bourgeoise qu'on a mis en place. On fera venir de Hollande la mère de Suzanne Lenoff pour donner l'impression qu'elle avait deux enfants, Suzanne et un petit dernier qui serait Léon. Alors on ne sait pas exactement. Vraisemblablement, Léon est le fils de Manet, bien évidemment, mais il est né hors mariage et donc il y a une sorte de construction pour les convenances de l'époque tout à fait étonnante. Et le lien de Manet et son fils est un lien qui reste difficile à analyser. Pourtant, il est très présent dans les tableaux. Il a servi de modèle ah à oui. Manet très régulièrement. On le retrouve voit sur dans les tableaux. Absolument. Ah oui. Il est dans plusieurs tableaux. On le devine même dans l'arrière-plan du balcon, derrière Berthe Morisot. Il y a un petit enfant qui passe ça paraît quand avec même un plateau. Oui. On peut penser c'est que c'est vraiment... de fil blanc, mais histoire. C'est une histoire qui montre quand même dans quel milieu on se trouve. Cette grande bourgeoisie a des règles et il faut quand même respecter les règles qui sont celles de la société de l'époque. Cette grande bourgeoisie a des règles, elle a surtout des tabous, disons-le. Absolument, totalement. Et Manet va être celui qui va, sinon, faire exploser les tabous, mais en tout cas, il les bouleverse un peu, il les bouscule. Voilà. Mais on disait de Manet, j'aime beaucoup la formule, on disait Manet est un bourgeois qui fait peur aux bourgeois. Et je trouve que c'est exactement ça. Et je pense que Manet, c'est l'artiste le plus inclassable qui soit, aussi bien sur un plan personnel, sa vie personnelle, que sur un plan artistique. C'est un artiste à part, totalement à part, et qui représente une étape de l'histoire de l'art par lui-même, et qui va donc bousculer les règles d'une société dont il fait par ailleurs totalement partie. Vous avez parlé, Franck, tout à l'heure, de son côté dandy, de son côté très bien élevé. Alors c'est même, ça, je dois dire que moi c'est une chose qui m'amuse toujours de relire certaines critiques. Au bout d'un moment, on a certains critiques qui disent, en suspens, mais ce monsieur Manet qui est tellement poli, tellement aimable, tellement gentil, comme on aimerait dire du bien de lui, mais s'il pouvait changer de manière de peindre, on aimerait le soutenir. Manet n'est pas Cézanne. Cézanne était un ours, un homme qui refusait les règles de la société. Manet, c'était l'être le plus polissé, très élégant avec les femmes, très très bien dans une société polissée. Donc c'est un personnage qui dérange les règles et en même temps il en fait partie. Et complexe. Très complexe. Ambivalent, ambigu. Alors, à tout point de vue. Cette Olympia qui nous attend, vous me direz, elle est confortablement installée et elle est patiente, mais tout de même, il ne faudrait pas la faire attendre trop longtemps. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Thank you. Un extrait de la Gaîté parisienne d'Offenbach. Retour avec vous Franck Ferrand au peintre Édouard Manet avec votre invité Serge Lega, conférencier des musées nationaux, professeur à l'Institut d'études supérieures des arts. Le déjeuner sur l'herbe avait été refusé par l'Académie, n'avait donc pas été présenté sur les 6 mèzes du salon officiel au Palais de l'Industrie. En revanche, 2 ans plus tard, Olympia, qui est de la même époque, avec le même modèle et qui est du même genre de scandale, est accepté. C'est ce qui est complètement surprenant dans cette politique du salon, c'est que le déjeuner sur l'herbe est évidemment un tableau refusé. On aura plus tard le jeune joueur de fifre, qui est un sujet très neutre, qui sera refusé en 66, et Olympia est accepté en 65. Alors, je ne veux pas me faire le défenseur des juges du salon, mais est-ce que tout simplement, ça n'est pas pour ce que nous évoquions tout à l'heure, pour la qualité même du tableau ? Mais moi, j'en suis absolument persuadé. Je dirais que la nudité chez Manet, c'est l'arbre qui cache la forêt. En fait, on se rend compte que les sujets peuvent être choquants, vous l'avez dit vous-même, Franck. Le déjeuner sur l'herbe, Manet, le surnommé, ma partie carrée, le côté sexuel, il l'avait parfaitement pris en compte et intégré à son œuvre. Par contre, dans d'autres tableaux, comme le joueur de fifre, ce qui gêne, c'est la technique. La critique dira du joueur de fifre, qui est maintenant au musée d'Orsay, c'est une carte à jouer. Donc pas de volume, pas de perspective, et pas d'épaisseur. Voilà. Et c'est une image d'Épinal également, oui. Pas de jeu de perspective. Ce que l'on attend... En plus, une image d'Épinal immense. Immense, alors. Voilà. Oui. Mais ce qui est la force de Manet, c'est justement ça. C'est cette technique qui, moi, me bouleverse. C'est la modernité d'oser mettre des plages colorées monumentales, des jeux d'ombre très limités, sur et de donner gris, puissance à la peinture. Et là, Olympia est un tableau qui est un aboutissement. J'oserais dire qu'entre le déjeuner sur l'herbe et l'Olympia, il est évident qu'Olympia est le chef-d'œuvre absolu. Olympia est un tableau maîtrisé, très provoquant, puisque là, il n'y a aucun, là, y a aucun doute. C'est une prostituée. C'est vraiment une prostituée. Elle est allongée. Elle a d'ailleurs un surnom de grande cocotte, Olympia. C'est typiquement ce genre de surnom que les cocottes choisissaient pour elle. Et bien évidemment, même la présence de l'homme s'annonce, puisque la servante noire apporte un bouquet de fleurs. C'est le protecteur, c'est le client qui s'annonce et qui va rendre visite pour des raisons charnelles à Olympia. Donc le tableau est provoquant là au sens premier du terme. Est-ce qu'on n'est pas là d'ailleurs dans la tradition d'une certaine peinture un peu licencieuse du XVIIIe siècle? Bien sûr, tout à fait. C'est aussi un héritage chez Fragonard et tout ça. Avec une chose, ce que vous évoquiez pour le déjeuner sur l'herbe, Manet a supprimé tous les paravents. Le fameux paravent historique, l'alibi de la mythologie. Quand Titien fait un nu allongé, il l'appelle la Vénus. Et Vénus d'Urbino par exemple, qui sera d'ailleurs un tableau que Manet a copié avant de peindre Olympia. Il s'est rendu à Florence pour le copier. Donc il y a vraiment ces paravents. Manet, lui, aussi bien dans le déjeuner sur l'herbe que dans l'Olympia, les supprime. Nous sommes dans le monde contemporain et le nu est un nu réel. Ça, c'est inacceptable. Un nu qui représente une déesse de l'Antiquité ou une allégorie, c'est acceptable. Ça dépend peut-être de la destination de l'œuvre, puisque pour les cabinets érotiques d'un certain nombre de grands seigneurs de l'Ancien Régime, on faisait également bien des sûr. Nus sans aucune excuse. Sûr, même... Sauf que ça n'était pas affiché au salon. Voilà. Même Philippe II d'Espagne, par roi exemple, très catholique, oui. adorait ce qu'il appelait les poésies de Titien. Et ils Rodolphe. Sont toujours des tableaux. Et Rodolphe II, bien évidemment, à Prague, tout à fait. Donc, c'est simplement la destination. Là, on destine ça au salon. Peut-être qu'on se dit que ça n'est pas la place de ce genre de peinture, tout simplement. Oui, et puis, c'est aussi une entorse aux règles. On est à une époque où l'art est totalement normé. On doit être dans des règles. Un nu féminin est acceptable s'il n'est pas sexué, s'il est idéalisé et s'il est historique. Manet laisse de côté tous ces aspects. On n'idéalise pas le corps de la femme, le corps de Victorine Meurent est représenté tel qu'il était, un peu court, un peu, j'allais dire, en rapport avec ce physique très parisien de Victorine, et il est en même temps le corps d'une femme au sens le plus charnel et réel du terme. Est-ce qu'il a le sentiment, lui, d'avoir fait son chef-d'œuvre d'une certaine manière ? Alors, Manet aimait particulièrement l'Olympia puisqu'il sera très atteint par les critiques. Il s'attendait à parce qu'évidemment, alors ça, là, c'est même pas une volée de bois vert. C'est un assassinat en règle. C'est vraiment d'une violence. Paul de Saint-Victor, que vous avez mentionné, dira de l'Olympia, la foule se presse comme à la morgue devant l'Olympia faisandée de Monsieur Manet. L'art descendu si bas ne mérite même plus qu'on le blâme. Donc c'est vraiment une mise à mort totale. Et là, Manet est atteint. Et on pourrait presque dire qu'il fait une sorte de dépression. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, tout de suite après l'échec d'Olympia, il part en Espagne pour se ressourcer. C'est un peu le moyen, il va enfin voir cette terre espagnole. Le vrai soleil d'Espagne. Voilà. Et il part pour Madrid et évidemment il y aura la découverte du musée du Prado qui va le remettre de ce terrible échec d'Olympia qui a quand même été pour lui une gifle bien au-delà de ce qu'il pouvait imaginer. Il s'attendait à des critiques mais pas à ce point-là. Là ça va être la vraie grande passion amoureuse de Manet, c'est pour Velázquez en fait. Celui qu'il appelait le peintre des peintres, c'est le plus bel hommage. Et il aime toute la peinture espagnole. Il a une petite réticence sur Murillo. Murillo, dans une lettre à son ami Fantalatour, il écrit « Murillo, décidément, celui-là, je ne l'aime pas ». Donc Murillo est peut-être le seul, quoique dans certains tableaux, il s'en inspire, mais tous les autres l'inspirent Velázquez en tête. Avec sa célébrité, issue du milieu qui était le sien, il aurait dû devenir une des stars, si je puis dire, de l'exposition universelle de 1867, normalement. Or, on se rend compte qu'il est parfaitement dans les marges, hein, il n'en profite pas. Il est complètement dans les marges, il l'est même tellement qu'il l'expose à part. Il y a la fameuse exposition particulière. Là, à ce niveau-là, il reprend l'exemple de Courbet. L'idée d'exposer de façon indépendante, donc il expose en marge et l'exposition. Pas au milieu des autres. Non, non, il a un pavillon qui est vers le pont de l'Alma et il y a sa propre exposition qui est une exposition particulière, encore une fois que d'autres artistes, Courbet le premier, avaient déjà mis en place. Donc l'idée de ne pas être intégré avec les autres. Et ça, pour Manet, c'est en même temps un problème, puisque Manet aime être dans le terrain du salon officiel. Petite chose intéressante, Manet, qui sera très proche des jeunes impressionnistes, n'a jamais exposé avec les impressionnistes. Les fameuses expositions impressionnistes qui commencent en 1874 jusqu'en 1886, Manet n'y a absolument jamais participé. Quand il se bat, c'est sur le terrain du salon officiel. Quand vous dites qu'il est très proche, ça veut dire qu'il les fréquente? Il les fréquente, puisqu'on sait Monet, que... Complètement. Par exemple, Monet qui est installé à Argenteuil, Manet lui rend visite très régulièrement. Ils peignent ensemble. On a des représentations, entre autres d'un tableau où Manet s'est amusé à représenter Claude Monet sur son bateau-barque avec sa future épouse Camille. Il les représente et il fait plusieurs tableaux. Et il y a vraiment une grande amitié avec Monet, Renoir et Sisley. Il y a vraiment une sorte de groupe d'amis. En 1870, c'est la guerre. D'ailleurs, il s'engage. Absolument. Manet. Il ne va pas jouer un très grand rôle dans cette guerre. Non, il est dans l'artillerie de la garde nationale. Mais ça veut dire qu'en septembre 70, le Second Empire s'effondre et peu à peu va se mettre sur pied ce régime républicain auquel il a toujours aspiré. Oui, alors est-ce que la République va lui offrir un rôle que l'Empire lui avait refusé? Alors il y aura des soutiens. Par exemple, son ami de jeunesse qui était Antonin Proust devient ministre des Beaux-Arts. Et ça bien évidemment, ça aide. Et ça permet à Manet d'avoir enfin en 1882 la Légion d'honneur, par exemple. Alors ça, c'est aussi assez amusant, parce qu'on se rend compte que les artistes ne sont pas toujours là où on les attend. Manet est très content de cette Légion d'honneur. Et alors, ça lui vaut une attaque absolue de son ami qui détestait ses décorations, c'est Degas. Et Degas dit, mais comment Manet peut se ridiculiser en acceptant la Légion d'honneur? Refus total de la part de Degas. Ça, c'est les ours, hein. Degas, ses ânes. Ah, absolument. Enfin, c'est les personnages au caractère très intéressant, moi je dois dire. Tout l'inverse de Manet, qui lui est un homme de salon. Toujours. Alors, il y a même une chose assez amusante que j'ai retrouvée dernièrement. Manet est tellement un homme de salon qu'il s'intéressait beaucoup avec un de ses grands amis qui était le grand écrivain et poète Stéphane Mallarmé à la mode féminine. Et alors, petit détail amusant, si vous trouvez dans des journaux de l'époque des critiques de mode féminine qui sont signées Miss Satin, eh bien Miss Satin, c'est Manet et Mallarmé écrivant des articles sur la mode féminine. C'était en fait un pseudonyme. C'est l'inverse de George Sand. George Sand a dû prendre un nom d'homme pour écrire, et bien Mallarmé et Manet ont pris un surnom féminin pour écrire sur la mode féminine. On est vraiment dans une société qui n'est pas du tout celle de Degas ni celle de Cézanne. Société encore bien corsetée. Très corsetée, c'est le cas de le dire. Est-ce que, j'ai cité à deux reprises déjà Émile Zola tout à l'heure, est-ce que finalement Manet n'est pas un peu dans sa conception naturaliste du monde, le pendant pictural d'Émile Zola? Ah oui, d'ailleurs Zola va avec beaucoup beaucoup de courage soutenir Manet. Il le soutiendra même d'une façon extrêmement véhémente au moment d'Olympia et ça vaudra d'ailleurs à Zola d'être renvoyé du journal dans lequel il écrivait parce que les lecteurs sont tellement furieux de voir les critiques favorables de Zola par rapport à Manet que Zola sera renvoyé. Et j'allais dire que la réponse du berger à la bergère sera la suivante. C'est évidemment le merveilleux portrait de Zola par Manet qui est maintenant au musée d'Orsay. corset et qui est un tableau où là, il y a vraiment un hommage de l'un à l'autre. Ce dont on ne parle peut-être pas suffisamment, ce sont les misères physiques de Manet, car c'est un homme malade aussi, il faut dire ça. C'est un homme malade, c'est un homme malade. Il meurt d'ailleurs très jeune, ce que l'on oublie toujours, il meurt, il a 51 ans. Donc, personnage qui est venu plutôt tard à la peinture, vous l'avez dit, il meurt évidemment très jeune et il est atteint alors de rhumatisme. On avait parlé. Le 30 avril 1883. Absolument. Entre parenthèses, il avait été fait chevalier de la Légion d'honneur en 82. Comme si un peu c'était le. Ah, c'était ouais. Vraiment, j'allais dire, une sorte de décoration, puisqu'il est déjà très atteint, Charles, tout à fait, puis très atteint dans sa santé. Il est atteint de rhumatisme. On avait parlé des rhumatismes il y a une émission avec Renoir. Eh bien, lui aussi est atteint de rhumatisme. Une chose qui est absolument certaine, il est également atteint par la syphilis, qui va bien évidemment totalement toucher son état de santé. Et il y aura d'ailleurs une chose assez touchante. Manet, j'aime beaucoup en parler, fait partie de ce que l'on appelle normalement les peintres debout. C'est-à-dire qu'il peignait debout devant son chevalet. À la fin de sa vie, ça le navrait totalement. Il était obligé de s'asseoir, ce qu'il n'aimait pas. Et il va aussi changer une chose. Ça explique pourquoi à la fin de sa vie, on a quelques œuvres de petit format qui lui permettent de travailler évidemment plus facilement. Et également la technique du pastel par rapport à l'huile, parce que ses problèmes de santé sont tels. Et d'ailleurs, chose terrible, avant de mourir, on va l'amputer du pied gauche. Il est atteint de la gangrène et il sera amputé juste avant de mourir, quelques jours avant. On va lui faire subir cette opération très traumatisante. Manet, peintre debout, comme il y a des conférenciers debout et des conférenciers assis. C'est ça, une private joke comprendra qui pourra. Merci beaucoup Serge Legas. J'espérais, en commençant cette émission sur Manet, que nous allions enfin bel et bien clarifier le personnage. Et je me rends compte que non, l'ambiguïté aura persisté jusqu'au bout. Est-il le peintre de la modernité ou le peintre de référence au grand classique? Il est un peu les deux, constamment, toujours. Et si je peux me permettre une dernière phrase, on disait de lui, et je pense que c'est tout à fait ça, Manet, c'est le dernier des anciens et le premier des modernes. C'est exactement ce principe. Eh bien voilà, on aurait dû commencer par là. Je vous rappelle que très bientôt, dès la semaine prochaine, va paraître Manet, le secret de Sophie Chauveau aux éditions Télémaque. Nous sommes tous très impatients. Dans un instant, sur Europe 1, vous répondez Franck Ferrand à la question de Florian sur les origines de la boussole. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Florian. Il nous l'a posée via le site internet d'Europe 1. Florian voudrait connaître les origines de la boussole puisqu'il a été visiter le Machu Picchu et les temples d'Angkor, alignés tous deux sur les points cardinaux, et s'est demandé justement comment ils avaient fait à l'époque. Alors pour ce qui est d'Angkor et du Machu Picchu, je pense que la position des astres a dû jouer un rôle beaucoup plus important que la boussole. Mais pour ce qui est de cette invention de la boussole, elle remonte très loin en vérité, au 7e siècle avant Jésus-Christ. C'est Thalès de Milet qui déjà avait repéré les propriétés extraordinaires de certaines pierres capables d'attirer le fer, les aimants si vous voulez. Mais c'est en Chine que la boussole est inventée autour du 1er siècle avant notre ère. Et lorsqu'il découvre qu'une tige aimantée s'oriente naturellement dans l'axe nord-sud, les Chinois y voient un formidable outil. Ça va être très utile, tout ça, bien entendu. Ils vont créer ce qu'on appelle là-bas la cuillère montre sud. Je traduis littéralement. L'objet ressemble à une sorte de cadran solaire, si vous voulez. L'aiguille a la forme d'une cuillère posée sur un socle en métal et elle a la particularité d'indiquer le sud, à la différence de la boussole que nous connaissons, nous, et qui, vous le savez, indique le nord. L'outil se révèle particulièrement utile au moment des déplacements de jour, parce que autant il est relativement facile de s'orienter aux étoiles, en tout cas à certains astres lorsqu'on s'y connaît de nuit, autant le jour c'est beaucoup plus compliqué. Alors par ciel voilé, n'en parlons pas. Au fur et à mesure, l'instrument va être perfectionné avec l'apparition d'un système utilisant une aiguille suspendue à un fil et plongée dans un vase. Il semblerait même qu'elle n'ait été utilisée pour se repérer en mer qu'à partir du 12e siècle, ce qui donne naissance au compas magnétique. Alors ça va être le début d'une véritable efflorescence de la navigation, bien entendu. Et c'est à la fin du même siècle, à la fin du 12e, que la boussole apparaît sur le vieux continent. Et ça encore, c'est une invention qui nous a été transmise par les Arabes. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour et avoir répondu à la question de Florian. Pour ce qui est d'Angkor et du Machu Picchu, il nous faudrait beaucoup plus longtemps.